le 6-3. Je fais ça que 6-3. Je suis dans la friture. 6-3. 6-3. Je représente. Thank you. dans les coups tirés. Tu parles de bouffe. Salut Bilos. Thank you.